مجلوحة في أنا نمشي إلى مضي Écoutez chez Nanterre, il est pile 15h, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a remis 14 tonnes d'aide médicale aujourd'hui au profit des autorités sanitaires gabonaises. Il s'agit de 2 tonnes de médicaments pour le traitement des infections opportunistes liées au VIH-Sida et d'une aide de 12 tonnes de médicaments et d'équipements médicaux techniques. Tunis accueille cet après-midi la 18e grande commission mixte maroco-tunisienne et sera co-présidée par les deux chefs de gouvernement. Plusieurs accords y seront signés. En marge de cette réunion, le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane s'est entretenu avec plusieurs responsables tunisiens, dont notamment son homologue Habib Essaïd et le président de l'Assemblée des représentants du peuple. Et auparavant, il avait été reçu par le président Bachir Kaïd Sebsi. Il était notamment question, lors de tous ces entretiens, de coopération bilatérale et de la situation dans la région maghrébine. Le régime syrien a repris le contrôle aujourd'hui d'une base aérienne dans le sud du pays. Les rebelles s'étaient retirés des installations qu'ils contrôlaient. Une information rapportée par l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, une ONG basée à Londres. Crise yéménite, 5 personnes ont été tuées aujourd'hui après une frappe aérienne de la coalition arabe contre les positions des rebelles houthis. Des habitations ont été détruites dans la vieille ville de Sana'a, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. L'UNESCO qui a aussitôt condamné ce raid, le premier à toucher directement ce secteur depuis le lancement, le 26 mars dernier, de la campagne aérienne contre les rebelles chiites houthis et leurs alliés. Elle a eu également ce nouveau bilan du glissement de terrain d'hier au Népal. 35 morts, 14 corps ont été retrouvés aujourd'hui. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. À noter que cet éboulement survient quelques semaines seulement après les 2 séismes qui ont secoué ce pays himalayen. Ils ont fait près de 8700 morts et des milliers de sans-abri. Football, la sélection nationale jouera ce soir à Agadir contre son homologue libyenne, un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h sonnante. C'est désormais officiel, l'international marocain Adel Taarabt a signé au Benfica Lisbonne, le double champion du Portugal en titre, un contrat de 5 ans. À 26 ans, le milieu offensif arrive libre au club portugais. Il s'était désengagé du contrat qui le liait au club londonien des Queen's Park Rangers à cause de sa relégation en deuxième division. 15h passées d'exactement 3 minutes sur chaîne Inter. Le prochain point sur l'actualité à 16h. Très bon après-midi à vous tous. بروك تفازة جديدة جاري الله يبارك فيك دابا هاد التلفازة هادي ما فيهاش نظام بث رقمي والسينيال القديم ما غيبقاش خدام وغادي يجي بلاصتو سينيال رقمي جديد وهاد المسألة كتهم جميع الناس اللي التلفازات ديالهم ما مجهزينش بالنظام البث الرقمي الأرضي تي ان تي وفوقاش هادشي ابتداء من 17 يوليو واجي شوف لي التلفازة ديالي عاف مرحبا داخل وخارج بيوتنا

Rappelez-vous l'époque où Mariah Carey, bien sûr, a commencé par collaborer avec Mr. Jay-Z, Heartbreaker, comme vous écoutez sur les ondes de chaîne Inter. Et c'est avec ce magnifique morceau que je vous souhaite la bienvenue encore une fois pour finir la semaine en beauté et surtout la journée. Et nous sommes ensemble jusqu'à 18h et ravis encore une fois, et croyez-moi, c'est sincère, d'être parmi vous et de vous tenir compagnie ces 3 heures. En tout cas, comme d'habitude, je ne suis pas seul. L'équipe est derrière moi, bien sûr, à la réalisation, Leïla Azizi. On n'oublie pas, bien sûr, de remercier notre cher stagiaire qui est si dévoué. Et bien sûr, j'ai nommé Houria Larizi et bien sûr à la technique de gardien à la console cet après-midi. Nous sommes bien gardés, croyez-moi en tout cas. Mounir Wardi et Miss Basma qui s'occupent du son. Et bien sûr, avec vous, je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. Et j'en profite pour vous rappeler le programme de cet après-midi. Nous parlons d'entreprise. Cet après-midi, nous parlons d'entrepreneuriat social qui, au Maroc, est souvent considéré comme un concept à la mode, tendance, et pour autant peu de gens connaissent et comprennent vraiment ce qu'est l'entrepreneuriat social. Pour apporter les informations nécessaires à des prises de décision avisées, le Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship, comprenez le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat, ils se font baptiser les MSIZE. En tout cas, le MSIZE a donc publié un rapport marocain faisant le point sur cette nouvelle forme d'entrepreneuriat au Maroc. En tout cas, le but de MSIZE est d'accompagner les entrepreneurs sociaux et trouver des solutions innovantes à chaque défi entrepreneurial à caractère social au Maroc. Il se veut quand même, ce MSIZE, une sorte d'incubateur de start-up et d'idées de projets à travers le programme Dare Inc. En tout cas, c'est un organisme qui a été créé en 2012 et j'aurai le plaisir de recevoir tout à l'heure un de ses fondateurs. Il s'appelle Eric Asmar et croyez-moi, il en a des choses à nous raconter. Et nous parlerons bien sûr avec Eric Asmar des motivations et de la situation de l'entrepreneuriat social qui a un bel avenir d'ailleurs au Maroc et partout dans le monde et surtout en Afrique. Et il y aura aussi la chargée de communication, Miss Hind Twissat, qu'on connaît bien sûr en tant que blogueuse. Elle est bien sûr dans le coup de MSIZE. En tout cas, l'entrepreneuriat social ce vendredi après-midi, c'est au programme de Hello Maroc et c'est à partir de 16h. En tout cas, on revient dans quelques instants pour le détail des rubriques et on démarre avec celle qu'on adore et qui a changé de facette. Et ça lui va bien d'ailleurs. Asma Benouar, d'Etchiri Tayara, pour vous souhaiter un très bel après-midi à tous. أسباء المنور avec درتي لي الطيارة que vous écoutez sur chaîne Inter en vous souhaitant bien sûr une excellente fin de semaine. Je souhaite quand même bon courage à ceux qui reprennent le boulot. Il ne reste plus que quelques heures et c'est bien sûr le vendredi. Et je vous souhaite déjà bon week-end. J'en profite aussi pour vous rappeler, si vous étiez sur une autre planète, si vous n'étiez pas au courant, après les fuites de l'épreuve de mathématiques qui a été entamée donc lors de la deuxième journée des examens de baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale avait décidé de programmer à nouveau la discipline. C'était ce matin, vendredi 12 juin exactement, entre 8h et 11h. Et on y reviendra bien sûr à cette épreuve de mathématiques. Ce matin, Leïla Azizi et Houria sont allés bien sûr nous récolter les impressions à chaud juste après l'épreuve. On y reviendra avec les invités tout à l'heure à partir de 16h30. Et bien sûr, j'en profite aussi pour vous rappeler que c'est bientôt les vacances. Et si vous vous sentez particulièrement concerné par l'écologie dans votre quotidien, vous en êtes même devenu partisan, savez-vous qu'il est également possible d'adopter un comportement éco-citoyen pendant ces vacances? Les hôtels clés vertes, ça existe au Maroc et Sakina Bouachelli nous en parle dans sa chronique en fin de journée à 17h45 exactement. Et je rappelle qu'il y a l'actu du 7e art à 15h30 avec Amina. En attendant, on reste en musique en vous souhaitant une très belle écoute sur chaîne Inter. I'm le Maroc avec Michel. Every part of my heart I'm giving out. Every song on my lips I'm singing out. Any fear in my soul I'm letting go. And anyone who asks I let them know. She's the one I say loud. She's the one I say proud. Ring the bell for the whole crowd. Ring the bell, I'm telling the world. Blink of an eye, hearts will unite. we're not giving it up. We're living it up, we're not giving it up. Tell them say music a life, remember life a music. Mad people vibes and we try to use it. We build connection and we never will lose it. Keep no yard, no love we boost it. In this life trouble never be looming. Face it alone, it can't seem so dooming. Tell me now we come together, we grooving. Keep positivity flowers, them blooming. Take your time. Improbable mais super réussi, tout simplement un magnifique morceau baptisé Waya Waya, et c'est Sean Paul bien sûr qui était sur la scène de l'OLM. On l'a vu en chair et en os, Mr. Sean Paul, pendant le festival Mawazine, et on vient de l'écouter en duo avec la chanteuse française Tal. Ça tombe bien, si je parle de français, de culture française, on vous parle tout de suite d'un film qui pourrait rythmer votre été. Ils sont de retour, les profs déjantés, et c'est le film de cet après-midi. Bonjour, notre film du jour, c'est Les Profs 2 de Pierre-François Martin Laval. Un film qui compte au casting Kev Adams, Isabelle Nanty et Didier Bourdon. Les pires professeurs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultra secrète avec Boulard. Avec le roi des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays et ils vont appliquer leur célèbre méthode sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme. De leur réussite dépendra l'avenir du royaume tout entier. Cette année, aux meilleurs élèves, les pires profs, quand même. Vous avez sauvé le pire lycée de France. Cette année, vous enseignerez dans le meilleur collège de l'Angleterre. Les meilleurs profs du monde ! Le château d'Harry Potter. Vous devez toujours saluer la statue sacrée. Salut, la statue sacrée. Bien. Non, proprement. Salut, ça va, tranquille, proprement. Bonjour les étrangers. Winter the prison. Pas mal, mais cette punition, elle n'existe plus depuis au moins 1000 ans, quoi. Welcome to our vault. Grâce à ce monde. Shut up. Chifoumi. Ciseaux, ciseaux. Égalité. Les profs, le film, succès du cinéma français de l'année 2013, avec près de 4 millions d'entrées, l'idée d'une suite a été très vite envisagée et puis confirmée lors du congrès des exploitants de Deauville en septembre 2013. Le producteur du film, Romain Rojman, est habitué à côtoyer les sommets du box-office français puisque ses deux précédentes productions sont arrivées en tête du nombre d'entrées cumulées sur le territoire français, avec près de 4 millions pour Les Profs en 2013 et plus de 12 millions pour le film Qu'est-ce qu'on a fait ? Et c'était en 2014. Ok, les puceaux, tu veux faire du rugby ? Problème, t'as pas de ballon, t'as pas de poteau. Tu fais quoi ? Tu rentres chez toi ? Non, non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes, Paris Hilton ? Hey, oh, Bollywood, là, on entend que toi, tais-toi. 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein ? Méthode française, on est mort. Ah bah ok, bonjour l'ambiance. Les classiques de la poésie. Où t'es papa? Où t'es? Ouais, je crois qu'on a encore fait du bon boulot. T'es où papa? Où t'es? Oubliez la théorie, ici nous parlons pratique. La prof d'anglais ne parle pas anglais. Yes, I know, it's a blague. Don't take me for a con. On est mort. Fast and Furious, s'il vous plaît. Reviens-vous là. Afin de se démarquer du premier film, ce nouveau volet se déroule dans un établissement anglais. De fait, plusieurs personnages secondaires de la première adaptation, comme les élèves, ne sont pas présents dans ce deuxième opus. À demain pour un autre film sur chaîne Inter. Oh, Cocktail de nouvelles policières soigneusement relatées. Anthologie du mystère, une galerie de séries à couper le souffle. Anthologie du mystère, chaque jour à partir de 23h sur chaîne Inter. trying to steal my blues. Fake smoke seals smiling through. I never thought so much could happen just to shoot me fool. But I can dance, I can talk. The only thing about me is the way that I walk. I can dance, I can sing. I'm just standing here setting. Oh, I'm checking everything is in place. You never know who's looking on. The perfect body with a perfect face. Can Dance, ça c'était bien sûr le maître Mr. Phil Collins, que vous écoutez évidemment sur les ondes de chaîne Inter. Il est 15h passé de 45 minutes. J'en profite pour rappeler encore une fois les invités de tout à l'heure et surtout la thématique et le sujet de cet après-midi. À partir de 16h, nous parlons d'entrepreneuriat social qui, rappelons-le, au Maroc est souvent perçu comme un concept à la mode. Et pour autant, peu de gens connaissent vraiment et réellement ce qu'est l'entrepreneuriat social, en tout cas pour apporter les informations nécessaires à des prises de décision avisées. Le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, donc le MSIZE, a publié un rapport faisant le point sur cette nouvelle forme d'entrepreneuriat. En tout cas, il a été créé en 2012 et le but de MSIZE est d'accompagner les entrepreneurs sociaux à trouver des solutions innovantes à chaque défi entrepreneurial à caractère social au Maroc. MSIZE se veut aussi une sorte d'incubateur pour les startups, en tout cas, et les idées, les bonnes idées de projet à travers un programme baptisé le Dare Inc. Pour nous en parler en détail, on ne pouvait pas recevoir mieux que le spécialiste en la matière et qui est le directeur justement de développement à MSIZE. Il s'agit de Eric Asmar, donc un vrai personnage qui en a énormément à raconter et il nous parlera, il nous briefera sur l'entrepreneuriat social avec bien sûr un état des lieux au Maroc et parler surtout des projets qu'ils vont encourager. Et il y aura aussi avec nous celle qui est chargée de la communication et que nous connaissons bien sûr en tant que blogueuse. Et j'ai nommé Hind Touessat. Et Eric Asmar, l'entrepreneuriat social, c'est entre 16h et 17h. Et je rappelle aussi qu'il y a le retour de l'information avec le point sur l'actualité de 16h. Et on enchaîne bien sûr en musique avec bien sûr du bon son en vous souhaitant un excellent après-midi sur chaîne Inter. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your party close. Take another step into the no man's land for the longest time, lady. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke.

Ça, c'était les Simply Red que vous écoutez sur Chaîne Inter. Et bien sûr, avant de retrouver nos amis de la rédaction pour le point sur l'actualité de 16h, nous allons bien sûr patienter en musique avec une petite douceur, les Fine Young Cannibals, le son des années 90 avec un magnifique morceau baptisé The Flame. En tout cas, merci de rester avec nous et je vous souhaite déjà un excellent week-end et surtout excellente fin de semaine à l'écoute de Chaîne Inter. I go to sleep every then and tomorrow. Can't Get Over. Ça, c'était par contre les September. Et on aura le plaisir d'écouter les Fine Young Cannibals tout à l'heure entre 16h et 17h. Merci en tout cas d'apprécier le son sur Chaîne Inter. Il est tout juste 16h. Au même Asbil, à tout de suite. Point, point sur l'actualité. Bonjour à tous. Tout d'abord, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a quitté cet après-midi Libreville au terme d'une visite de travail et d'amitié en République gabonaise. Dernière étape d'une tournée africaine ayant conduit le souverain successivement au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire. Sachez également que Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, ont procédé aujourd'hui à Libreville au lancement des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique. Mobilisant des investissements de l'ordre de 57 millions de dirhams, ce centre traduit l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le Roi à la formation et la qualification de l'élément humain, pierre angulaire de tout projet de développement, ainsi que sa volonté d'accompagner le Gabon frère dans la réalisation de son plan stratégique Gabon émergent, qui ambitionne d'accélérer la croissance de l'économie et d'en diversifier les sources. Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé également aujourd'hui à l'école d'application du service de santé militaire de Libreville à la remise d'un don de 2 tonnes de médicaments pour le traitement des infections opportunistes liées au sida et d'une aide de 12 tonnes de médicaments et d'équipements médico-techniques au profit des autorités sanitaires gabonaises. Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Chir Biadillah, s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le président du Conseil économique, social et environnemental français, Jean-Paul Delevoye. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué l'importance du rôle consultatif du Conseil dans sa relation avec le Parlement concernant les thématiques à caractère socio-économique et environnemental. Le président tunisien Bajir Kaïd El-Sebsi a reçu ce matin à Tunis le chef du gouvernement Abdelilah Ben Kiran en visite de travail dans la capitale tunisienne. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et sur des questions d'intérêt commun. Le chef du gouvernement est arrivé hier à Tunis pour présider avec son homologue tunisien Habib Assid les travaux de la 18e session de la grande commission mixte maroco-tunisienne. Et on vient de l'apprendre, une milice a investi aujourd'hui le consulat tunisien à Tripoli, où elle retient 10 de ses fonctionnaires. C'est ce que vient d'annoncer le ministère tunisien des Affaires étrangères. Et c'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain retour sur l'actualité à 17h. La suite toujours avec Hicham. De l'info, du sport, de l'art, de la culture, laissez-vous guider. À l'occasion de la fête de la musique, l'Orchestre Symphonique Royal organise un concert de jazz exceptionnel. Au programme, un répertoire varié avec des œuvres des meilleurs morceaux de jazz, d'auteurs et d'arrangeurs très connus. Soyez tous au rendez-vous à 21h, le 12 juin à Casablanca, le 13 à Bab el-Makina à Fès et le 15 à Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Chaîne Inter. Baby's black balloon makes her fly. Almost fell into that hole in your life. You know, thinking about tomorrow. You were the same as me. I go on. الفاز زيد جريف الله يبارك فيك دابا هاد الفازه هادي ما فيهاش نظام بث رقمي والسينيال القديم ما غيبقاش خدام وغادي يجي في بلاصتو السينيال رقمي جديد وهاد المساله كتهم جميع الناس اللي التلفازات ديالهم ما مجهزينش بالنظام البث الرقمي الارضي تي ان تي وفوقاش هادشي ابتداء من 17 يوليو واجي شوف لي التلفازه ديالي عاد مرحبا داخل وخارج بيوتنا كل شيء تغير وجا وقت رقمي التلفزيونات الوطنية حتى هي تطورات وغنتقلوا للبث الرقمي ابتداء من 17 يونيو 2015 وهذا الانتقال هو ضرورة تكنولوجية وخاصكم تعرفوا أن هذا البث الرقمي هيقدم المشاهد نشرات برامج مباريات رياضية وأفلام بصورة ناصحة والصوت بجودة عالية والناس اللي ما باغيش يبدلوا التلفازات ديالهم واش غادي يديروا غير خصهم يجهزوا بريسيبتور مخصص لهذا النظام هذا الريسيبتور خاصو يكون برونشي مع التلفازة ومع لونتين ديال السطح بكابل متحد المحور لونتين خاصو يكون فيه على الاقل 120 ويكون موجه مزيان لمحطه البث والكابل ما يكونش مقطع وهي تحجمت بدلات غير الجوده هي لا تحسن هذا الريسيبتور موجود في الاسواق وفي المحلات التجاريه المختصه وبثمن جد مناسب للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم الاخضر 0800 000 118 او زوروا الموقع www.mincom.gov.ma وزاره الاتصال مرحبا بالبث الرقمي الارضي تي ان تي Shake it. classique California Love, c'était bien sûr Tupac que vous écoutez évidemment sur les ondes de chaîne Inter. Il est 16h passé de 12 petites minutes et bien sûr nous recevons cet après-midi des jeunes dont on peut être fier d'ailleurs et nous parlons d'entrepreneuriat social puisque l'entrepreneuriat social au Maroc est souvent vu et perçu comme un concept à la mode et croyez-moi donc on va en savoir un peu plus sur l'entreprise sociale avec les représentants de ce programme, cet organisme baptisé le M-Size, comprenez le Centre Marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social qui ont bien sûr un énorme projet, donc un organisme qui est né depuis 2012 et représenté cet après-midi par le directeur de développement de M-Size avec nous cet après-midi, Eric Asmar. Merci d'être avec nous sur chaîne Inter, mon ami, ça va, impeccable. Très bien, merci. Merci et merci surtout invité. D'avoir accepté mon invitation. Hein, oh, donc, c'est un plaisir, merci. D'accord, en tout cas. Et Marhababik, au Maroc, Eric Asmar, d'ailleurs. On va tâcher un petit peu de revenir sur le parcours d'Eric, qui est super intéressant. J'ai aussi le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais déjà, bien sûr, hein, puisqu'on a déjà parlé web, on a déjà parlé blog avec elle. Et là, on la reçoit en tant que chargée de communication de M-Size. Et j'ai nommé, bien sûr, Hind Wissat. Ça va, Hind? Bonjour, Hicham. Ça comment va très bien. Impeccable. Mais on t'a perdu de vue, mais si je vais compris, toi tu étais hors du Maroc, tu t'es bien baladé pareil. Voilà, où est-ce que tu étais exactement? Ben, j'ai vécu à Istanbul pendant une année, après j'étais en Corée du Sud, j'étais un petit peu partout. Elle est partout et nulle part, voilà, donc c'est ça, hein, quelques points communs avec Eric Asmar. En tout cas, merci à vous deux d'être avec nous et bravo pour ce que vous faites. Et j'ai envie quand même de mettre les auditeurs dans le bain, donc le M-Size, hein, donc comment pourrait-on présenter cet organisme, donc Hind et Eric? Donc, le M-Size a été fondé en 2012 par 17 jeunes acteurs de changement, qui, toute une collective qui est impliquée dans l'associatif depuis un moment. Le M-Size a pour but de répondre à tous les défis sociaux au Maroc à travers des solutions innovantes et entrepreneuriales. Donc, tout simplement, donc encourager, accompagner, et aider à développer justement donc toute entreprise à caractère donc social, c'est ça. Donc, quand on parle d'entreprise ou d'entrepreneuriat social, qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement, Eric ou Hind, hein, donc. Maintenant, si on parle d'entrepreneuriat social, on entend l'entrepreneuriat. Mais ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat social, c'est qu'il consiste à trouver des solutions entrepreneuriales innovantes qui répondent à des besoins sociaux d'une communauté. Maintenant, on est au Maroc, on essaie de voir les besoins sociaux au Maroc et créer un changement qui est systématique à travers des projets menés par des jeunes. Voilà, menés par des jeunes. Je reviens quand même au statut de M-Size. Donc, on peut le considérer comme quoi exactement? Un organisme, une ONG donc, Le statut juridique est d'ONG, mais on se considère comme entreprise sociale. Pour expliquer la différence entre l'association et l'entreprise sociale, ils s'attaquent aux mêmes problématiques, c'est-à-dire de résoudre des défis sociaux. La différence dans l'entreprise sociale, c'est qu'elle a pour but d'être financièrement autonome. Donc, il y a ses propres activités génératrices de revenus pour assurer l'autonomie et la pérennité du projet. Voilà, donc il fonctionne comme une entreprise normale, mais qui a à son cœur cette problématique sociale. Voilà, donc l'activité de cette entreprise, donc c'est les autres entreprises, tout simplement. Voilà. Donc, on peut résumer ça comme ça. Alors, j'imagine hein, donc qu'il y a quand même une sélection. Donc, comment vous réussissez? Comment vous sélectionnez? Qu'est-ce qu'il faut que l'entreprise ou les jeunes donc aient exactement pour séduire M-Size et se faire chapeauter par M-Size? Au départ, comme on a dit, il faut une problématique bien définie, de comprendre très bien à qui on s'adresse et comment on veut les accompagner, les encourager, etc. Si c'est la santé publique ou l'agriculture ou la création d'emplois ou l'éducation, etc. Après, un business model fiable, c'est-à-dire que c'est un business model qui pourrait avoir une pérennité. Après, des projets qui ont un potentiel de portée à échelle, donc échelle nationale, internationale, que ça va sortir. Enfin, c'est très bien d'avoir des projets qui sont basés dans des communautés, mais là, on cible des projets qui peuvent aller beaucoup plus loin. Et puis finalement, qui est très important chez nous, c'est l'esprit de l'entrepreneur. c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment dédiées au projet, qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour voir la réussite de leur projet. Il vous arrive de refuser certains projets ? Oh oui, certainement. Voilà, donc est-ce que vous annoncez ça donc directement, ou vous dites qu'il faut améliorer ci ou ça et revenir juste après, ou des fois vous dites non, ce projet ne pourra jamais marcher ? Ah non, la porte est toujours ouverte. Donc les projets qu'on refuse, on leur dit vous pouvez travailler dessus et on vous encourage à postuler la prochaine promo. Voilà. Et à ce propos, justement, donc si j'ai bien compris, et on va tâcher quand même de le dire, de le redire, de le re-redire, c'est que vous organisez donc une compétition nationale, si j'ai bien compris. Oui, donc ça c'est dans le cadre d'un autre projet, le Tamkin Initiative, qui agit au sein des lycées de la région. Inch'Allah, bientôt ça sera à l'échelle nationale. Explique-nous un petit peu ce concept de Tamkin Initiative. Tamkin, c'est une initiative qui a été lancée il y a deux ans. Et au fait, il n'y a même pas une semaine, on a organisé la compétition nationale. Et c'est l'encouragement des jeunes âgés entre 15 ans et 17 ans à innover avec des projets d'entrepreneuriat social. Et éventuellement, ils sont en train de trouver des solutions à des problématiques qu'ils ont dans leur lycée. Hier, on était à la radio avec des jeunes de 14 ans, 15 ans, qui étaient en train de défendre l'idée de douche publique, l'idée d'utiliser l'énergie solaire. Et donc, c'est l'idée d'inculquer cet esprit entrepreneuriat dans la jeunesse marocaine. Donc, entrepreneurial, qu'est-ce qu'il y a d'entrepreneurial dans cette initiative, par exemple, concernant les jeunes entre 15 et 17 ans? Moi, je vois ça plutôt une source à idées. Donc, on est plus proche des jeunes, donc on connaît leurs besoins, donc c'est l'impression. Là, par contre, je me pose la question, où est l'esprit entrepreneurial? Maintenant, l'esprit entrepreneurial, personnellement, je trouve qu'il est en chacun de nous. Mais ce qu'on fait en tant qu'organisation, c'est au fait accompagner et former ces jeunes. On leur dit, vous avez une idée, c'est génial, mais si vous n'avez pas les outils qui vous mèneront à changer cette idée, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et du coup, c'est ça notre but, l'un des buts essentiels de l'organisation, c'est de former et accompagner ces jeunes. Voilà, et tous les moyens déployés et fournis donc rentrent dans le cadre de l'entreprise de cet objectif, tout simplement. En tout cas, je vous remercie énormément. Alors, pour l'instant, la compétition nationale est encore ouverte, où est-ce que ça en est? Donc, tout est clos, tout est fini. Pour cette année, on a déjà clôturé cette édition. Et vous en êtes sorti avec quoi exactement? Avec des centaines de jeunes marocains qui étaient là en train de défendre leurs idées devant un jury de professionnels qui ont donné des prix à trois lycées différents. Et du coup, on a hâte de voir les idées qui viendront pour les années à venir. Voilà, Eric Asmar, toi qui t'es baladé un petit peu dans le monde et t'en as côtoyé des cultures et des entreprises, des ONG, ça aussi, certains voient ça aussi comme une manière d'aller un petit peu la chasse aux bonnes idées aussi. Bah oui, surtout à travers notre programme d'incubation Dare Inc, on est justement à la chasse de bonnes idées. Et quand je dis la chasse, il y en a qui voient ça aussi un petit peu de côté négatif, c'est-à-dire qu'on pique les idées des jeunes. Ah non, pas du tout. Les porteurs de projets restent les jeunes. Nous, on est là pour les accompagner, pour les encourager. Mais très franchement, les idées sont très bien, mais la valeur, ça vient de la mise en œuvre de l'idée. Donc on reçoit systématiquement des entrepreneurs qui s'inquiètent, comment est-ce que je vais me protéger, protéger mon idée. Voilà. On dit, très franchement, il n'y a pas énormément de nouvelles idées dans le monde. Quelqu'un a déjà eu une idée similaire quelque part. Ce qui compte, c'est comment tu mets cette idée en œuvre. Il doit y avoir 15 ou 20 idées de base dans le monde entier qui sont, comme tu l'as dit, développées. C'est comme les scénarios de cinéma. Voilà. Et donc c'est en lançant des initiatives pareilles et des programmes pareils qu'on permettra à ces individus d'innover. Quelle est la valeur ajoutée de Hintouissat pour M-Size? Maintenant, tu sais, moi, je suis une grande passionnée de communication, je suis une grande passionnée d'entrepreneuriat social. Et quand j'ai eu l'offre de la part d'Edna Naddewi qui m'a dit « Ah, oh, ça te dirait d'être chargée de communication ?» Edna Naddewi, qui est un des fondateurs de M-Size en 2012. Voilà, donc, malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous. Donc, quand j'ai eu cette offre, je me suis dit « Ça va être une opportunité pour apprendre beaucoup plus et de près sur l'entrepreneuriat social. » Et comme tu as dit, les idées innovantes qui sont en train de naître au Maroc. Et oui, ça bouillonne d'idées, ouais, croyez-moi. Donc c'est un vrai réservoir d'idées que nous avons. Et c'est le but, justement. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que vous veniez, à ce que les Marocains sachent ce que vous faites, parce que vous êtes du genre de jeunes qui aident les autres jeunes, justement, à s'exprimer, tout simplement. Il y a un potentiel, il faut l'exploiter. Et bravo encore. M-Size, Eric Asmar et Intouessat, on va se faire une petite pause bien méritée parce que je les ai harcelés de questions et on va revenir à eux. Il est 16h22 minutes. Merci de rester avec nous sur Chaîne Inter. Excellent après-midi à tous à l'écoute de Chaîne Inter et surtout, moi je vous le dis déjà, il est 16h26, bonne fin de semaine et bon week-end pour ceux bien sûr qui ont la chance d'avoir le week-end. Et surtout, moi je vous le dis aussi, donc Ramadan Moubarak Saïd déjà, parce qu'il y en a qui vont faire les courses au week-end, j'en suis sûr. En tout cas, Intouessat et Eric Asmar sont toujours avec moi, je suis rassuré, je ne suis pas seul, je suis en bonne compagnie et nous parlons bien sûr de M-Size. Vous allez excuser mon anglais, mais c'est le Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship. type, le M-size. Excellent. Voilà, donc ça va lire. Comprenez en français tout simplement le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Donc un organisme créé depuis 2012 et on parlait bien sûr hein, des accomplissements, des activités, donc comment fonctionnait le M-size qui se veut une sorte d'incubateur pour les jeunes porteurs d'idées, pour les idées donc à caractère social, tout simplement. Et c'est ça, l'entreprise sociale qu'il va falloir inculquer en chacun de nous et surtout démarrer avec le bas âge, tout simplement. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a cette compétition, donc Temkin Initiative, qui vise les jeunes, donc entre 14 et 16 ans, et on en a parlé tout à l'heure. Et le but, si j'ai bien compris, Eric Asmar, donc cette compétition, donc elle s'étale tout au long de l'année scolaire. Justement, donc c'est un programme qui dure toute l'année scolaire, qui dans un premier temps fait des formations pour les jeunes lycéens, pour un peu inculquer l'esprit d'entrepreneuriat, des bases en innovation sociale, en entrepreneuriat, de leur faire comprendre que chacun peut être acteur de changement au sein de sa communauté. Voilà. Et dans un deuxième temps, ces jeunes, ils montent, comme Hinda a déjà soulevé, des projets pour essayer de répondre à des défis sociaux au sein de leur communauté, plus précisément leur lycée. Donc, pendant la deuxième partie de l'année scolaire, ils ont un accompagnement des coachs qui viennent de M-Size et d'associations locales. Qui aboutissent à une compétition régionale et finalement une compétition nationale. Et la compétition nationale, les trois gagnants ont des prix en cash, des petites sommes pour pouvoir avancer sur leur projet. Voilà, donc ça c'est une belle initiative, hein. Franchement, Temkin Initiative, donc ça c'est le genre justement d'idées donc, avec lesquelles débarque M-Size et ça c'est justement donc, pour inculquer, comme a dit Eric tout à l'heure, donc, l'esprit d'entrepreneuriat social donc, dès le bas âge. Il faut quand même un petit peu donc, s'arrêter sur le côté juridique de la chose. Hein. Donc, quand on entend parler d'entreprise sociale, automatiquement, donc, on pense à société. Quoi. Donc, est-ce que l'entreprise sociale a aussi un statut juridique ? Au Maroc, non. Inch'Allah. Au Maroc, non. Bientôt, on va monter un projet. Pourquoi ? Parce que le phénomène est nouveau. Oui, justement. Voilà. C'est-à-dire, il faut... quand même pour demander un statut juridique, il faut un minimum de matériel, c'est-à-dire. Donc pour nous, le but, c'est de développer, de démarrer cet écosystème d'entrepreneuriat social qui, par la suite, va permettre un projet de loi, etc., pour donner un statut juridique précis. Mais nous, très franchement, le statut juridique n'est pas le plus important. Pour nous, c'est plutôt le caractère innovant, et la capacité de porter ces projets à échelle qui nous intéresse le plus. Justement, cette migration hein, donc vers un statut juridique, est-ce que tu l'as déjà vécu ailleurs dans un autre pays ? Bah, ça existe. Parce que je sais que tu as une expérience derrière toi. Donc, Eric Asmar lui fait une émission à lui tout seul, croyez-moi, avec son parcours. Croyez-moi. En Angleterre, aux États-Unis, en France, il y a un statut juridique particulier, ou même plusieurs pour les entreprises sociale. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier justement ? C'est-à-dire ça donne certains bénéfices par rapport aux impôts ou par exemple c'est des entreprises qui peuvent dans certains contextes faire appel à des fonds publics pour pouvoir subventionner certaines activités. Donc ça dépend du pays, mais l'idée générale c'est que ces sociétés, ces entreprises sociales puissent exercer pleinement leur vocation sociale tout en pouvant ramener des fonds, enfin avoir une activité commerciale pour pouvoir continuer. Voilà, et en faire profiter aussi les caisses de l'État aussi. Voilà. Ah oui, bien voilà, sûr. Donc même si il y a des rabais donc au niveau des impôts, mais on contribue aussi donc au niveau des impôts, on paye des impôts même si on est en entreprise sociale. Oui. C'est vrai que c'est une solution au chômage. Ouais, il y a pas mal de gens qui préfèrent lancer leurs propres entreprises que de travailler pour des multinationales. Voilà. Et entreprise individuelle. Exactement. Voilà. Et l'un des buts d'M-Size, c'est de carrément créer un réseau d'entrepreneurs sociaux au Maroc pour favoriser le partage, l'échange. Et surtout, on va aussi travailler sur la création d'un mouvement de plaidoyer pour pour un cadre juridique et institutionnel au Maroc. Voilà, donc c'est le but et c'est ça, donc l'objectif, j'en suis sûr, de Eric Asmar. Donc, non, mais c'est ça, donc officialiser, installer et instaurer justement exactement cette forme d'entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat social. Why not, tout simplement. Et c'est pour ça que M-Size est là. Alors justement, ces jeunes, ces porteurs d'idées dont on parle depuis tout à l'heure et que vous êtes prêts, bien sûr, à accompagner, à aider, à se développer, là, on parle de côté incubateur de M-Size. Oui, justement. À travers un programme que vous avez baptisé DARE. Voilà, DARE Inc. DARE Inc. Donc DARE, c'est DARE, bah, c'est oser en anglais. Voilà, c'est oser en anglais. Oui, dire, c'est dire. Faire voilà. En Darija. Voilà, d'accord, ok. Donc, DARE voilà. And do. DARE to dire. Voilà. DARE to dire, voilà, c'est ça. Le dit to dit. En tout cas, je te laisse nous parler un petit peu de ce, voilà, de ce programme, donc le DARE Inc. Donc, voilà, on a lancé la première promotion, la première vingtaine d'entreprises à fort impact, comme on dit, il y a à peu près un mois. Donc, eux, ils vont profiter d'un accompagnement. Donc, on ramène des experts locaux et des experts internationaux pour leur aider à répondre à leurs défis particuliers. C'est un programme qui est vraiment, contrairement à d'autres programmes d'accompagnement, très, très sur mesure. C'est-à-dire, le point de départ, c'est les besoins spécifiques de chaque entrepreneur. Donc ça, de notre côté, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, on trouve que le résultat est bien meilleur. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué Non, c'est-à-dire, si tu as un cursus qui est bien fixe, c'est très bien. Tu ramènes personne X, personne Y chaque semaine. Et dans ce cas, on essaie de développer l'accompagnement autour des besoins des projets. Donc, on a des projets qui sont assez vastes en termes de thématiques. Il y en a qui travaillent sur l'agriculture, sur l'éducation, sur l'accessibilité. Il y a pas mal de solutions high-tech, des applications, des sites web. Donc, chacun a ses défis particuliers. On essaye de ramener de l'expertise et des ressources pour les aider chacun. Voilà, donc ça, c'est le concept du programme DARE Inc. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, il y a aussi donc, ce qu'on peut appeler des séances de training, de formation aussi, oui, que vous organisez, que vous proposez. Alors, ça s'applique à tout le monde ou comment vous... Il y a différents types de formations qui touchent des audiences différentes. Donc, on a par exemple des formations qui ciblent vraiment le renforcement de capacités des associations. Il y en a d'autres qui ciblent uniquement les entrepreneurs sociaux. Il y en a qui sont pour le grand public. Voilà, donc ça rentre dans le cadre des programmes. C'est des ateliers, c'est des workshops. Voilà. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est vous qui offrez donc toutes ces séances de training? C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est très, très intéressant, ce qui pourrait motiver les jeunes, hein, donc croyez-moi. En tout cas, le programme M-Size, donc il y a énormément de choses qui font et on le rappelle, donc ils sont là justement pour inculquer cet esprit d'entrepreneuriat social. Quelle est la valeur ajoutée de Eric Asmar pour le programme M-Size? Comme j'ai posé la question tout à l'heure à Hind. Bon, moi, à la base, je viens de la coopération internationale. J'ai travaillé avec des ONG humanitaires, d'autres types d'associations pour l'ONU. Et je dirais que mon parcours particulier, ma valeur ajoutée, c'est le développement de programmes. C'est-à-dire comment construire et mettre en œuvre des nouveaux projets. Tout simplement. Et donc là, je suis pleinement épanoui à passer tout mon temps à aider les autres à développer leurs projets. J'ai aussi une autre question donc, qui me taraude, hein, comme on dit, et tu es très très bien placé pour y répondre. Toi qui t'es bien baladé dans le monde, hein, qui a côtoyé différentes cultures, différentes religions, donc finalement, tu te dis, est-ce que l'être humain est identique ou les gens sont vraiment différents finalement? Je dirais que notre espèce est plutôt hétérogène, c'est-à-dire il y a toute une diversité de cultures, d'approches, etc. Mais les besoins de base sont les mêmes. Tout le monde veut... Qu'on soit bouddhiste, musulman, qu'on vit en Amazonie, finalement, les bases sont les mêmes. Oui, voilà, on a des besoins de santé, d'alimentation, d'être bien accompagné, d'être entouré de famille, de proches. On a des besoins spirituels. Après, la mise en œuvre change, mais les besoins de base restent les mêmes. Merci d'avoir répondu à ma question, Eric Asmar. Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui devraient se poser la même question. Je suis rassuré, il est 16h passé de 36 minutes. Merci de rester avec nous sur Chaîne Inter. On revient dans quelques instants en vous souhaitant encore une fois un bon week-end et surtout une belle écoute. Say my name, say it loud, say it just to me. Say it once, say it twice, but don't disappear. Cause I say and I pray that you always be the one. Oh I swear that it is so true, that I miss your sweet kiss, so wonderful. Cause I say and I pray that you always be the one. You like the sun, cause I know just for sure that you always be the one. It's my time, it's the place where I wanna go. Take this chance for romance, oh I know it grows. Cause I know that you always make me strong. Call my name, 16h passées de 40 minutes, merci de l'apprécier sur Chaîne Inter. Et je reviens bien sûr à M-Size, et toujours avec Eric Asmar, et toujours avec Ian Touessa, donc la chargée de communication, et le directeur de développement avec nous. Rebienvenue à vous les amis. Et on va poursuivre bien sûr avec M-Size, hein, donc pour ceux qui viennent se brancher sur Chaîne Inter, hein, comprenez le Centre Marocain pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat Social. But, tout simplement, inculquer cet esprit d'entrepreneuriat social, aider le bas âge, puisqu'il s'attaque bien sûr à des lycéens, et en même temps donc je rappelle qu'ils sont là pour aider, pour encourager donc les porteurs de bonnes idées, donc les jeunes entreprises, et les aider justement à rayonner même au niveau international. Et M-Size se veut donc une sorte d'incubateur à travers le programme Dare Inc. que tu nous as expliqué, Eric Asmar. Justement. Et en même temps, j'ai bien compris, donc M-Size, en parallèle, donc ça grandit, se développe, tout simplement. Oui, tout à fait, on est en pleine croissance. Parallèlement, ils auront là de nouveaux locaux. Donc, oui, dans quelques semaines, là, on va ouvrir notre coworking, un espace de travail voilà, partagé, ici à Rabat. Donc, qui aura un espace de formation, qui sera lieu de travail quotidien pour nous, pour nos partenaires, nos incubés, également des gens du grand public qui souhaitent venir travailler. Et quand on parle de travail, donc c'est quoi? C'est des brainstorming Là, c'est dans un premier temps un espace bureau, de venir poser, bosser. Après, on a toute une série d'animations prévues, donc il y aura des conférences, il y aura des ateliers de plusieurs types, donc par exemple des ateliers de prototypage, on travaille avec les Morocco Makers pour développer les compétences autour de ces outils de prototypage, que ce soit high-tech ou low-tech. Après, d'autres types d'animation, style des brainstorming, des travails d'intelligence collective pour essayer de résoudre des problèmes larges ou petits. Et aussi pas mal de formations, comme j'ai dit avant, pour le public et pour des audiences bien spécifiques. Voilà, donc pour le public, donc, qui est invité donc, à venir travailler donc, dans les locaux de MSA, c'est les jeunes justement. C'est n'importe qui. C'est tout le monde. Hein, voilà, donc les infos seront publiées sur notre site web msize.org. Très prochainement. Il y a de la demande, attention. Vous risquez d'être envahi par les jeunes. Mais marhaba. Marhaba. Eric Asma. Tout le monde est bienvenu. Exactement. En tout cas, M-Size, voilà. Donc, c'est vraiment ambitieux, hein, donc, comme projet, comme idée que vous avez. Et on rappelle, donc, M-Size, une ONG. Mais automatiquement, on se pose cette question. Avec toutes ces ambitions, il faut quand même de l'argent pour financer tout ça. Comment vous vous débrouillez, vous, M-Size, pour financer tout ça? Bah, dit-on qu'on a tout un portfolio de financement. Donc, le programme Dare Inc. est financé par la fondation Drosos, c'est une fondation suisse. Après, le programme Tamkin est financé par le NED, National Endowment for Democracy, c'est un organe américain. Et puis, d'autres projets ont d'autres financements. Mais nous travaillons également sur la prestation de services. C'est-à-dire, nos coûts opérationnels quotidiennes sont financés par des prestations de services, du consulting, des formations payantes pour des associations, des organes de coopération internationale, etc. Mais quel est l'intérêt, entre parenthèses, de ces bienfaiteurs, justement, à financer une ONG comme M-Size? Nous agissons pour le changement systémique ici au Maroc. Voilà, donc c'est pour la bonne cause, tout simplement. Et c'est ça, en fait, hein, donc M-Size. On rappelle aussi un autre détail, hein, parce que là, j'imagine qu'en voulant aider, développer des entreprises, développer des idées, faire rayonner justement des idées donc, de jeunes Marocains, des fois, on a un petit hic. Il trouvait ça, toi qui es chargé de communication, c'est que quand tu cherches et quand tu tapotes sur ton clavier et que tu as besoin de certaines informations... Non, tu ne les trouveras pas. Tu ne les trouves pas. Non seulement qu'elles sont vieilles, non, mais elles n'existent pas. Oui. Donc ça, c'est un petit souci auquel vous faites face. Surtout quand il s'agit de l'entrepreneuriat social. Malheureusement, au Maroc, on ne trouve pas des recherches qui ont été faites sur l'entrepreneuriat social dans les dernières années. Justement parce que c'est un phénomène qui est nouveau. Voilà, le concept est nouveau. Donc on a pensé à superviser, à contribuer avec des recherches qui seront faites dans les années à venir. Donc c'est vous qui êtes en train en fait, d'installer cette base de données. Exactement. Qu'on pourra consulter en travaillant avec des chercheurs en master ou en doctorat qui s'intéressent à ce sujet. Voilà, donc et là vous comptez donc déployer toute une équipe. Exactement. Donc je vous recommande les étudiants de l'école des sciences de l'information, hein, donc ils vous seront super utiles, hein, croyez-moi. D'accord. Parce que eux aussi ils sont déjà passés avec nous et en même temps c'est le petit souci auquel ils font face. Donc des fois il y a des informations qui ne sont pas ou mises à jour ou inexistantes. Et voilà, donc en tout cas on vous souhaite bon courage. Donc M-Size, vous rappelez quand même que ils sont présents aussi sur Facebook, donc on peut, vous avez une page. Comment rester en contact et comment entrer en contact avec M-Size? Donc il y a page Facebook, il y a Twitter, il y a le site. Pour l'instant on a une page officielle au Facebook, donc sur Facebook vous pouvez nous retrouver sur Moroccan Center for Innovation and Social Enterprise. Pour Tamkin il y a une page aussi, c'est la Tamkin Initiative. Et après, on a un compte sur Twitter aussi. Voilà, donc M-Size. C'est www.msize.org. M-Size, hein, donc c'est pas size, c'est pas la taille, donc c'est M-C-I-S-E.org. Voilà, M-C-I-S-E.org. M-Size, en tout cas, on va se faire une petite pause. On va revenir pour faire un petit récap et surtout pour le petit questionnaire. Eric Asmar, c'est la première fois qu'on le reçoit et c'est tout à fait normal. À tout de suite. Can't explain. touched me, I was ready to die. I've never been fatal, you're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel I can feel I can do it. Déjà passé de quasiment 50 minutes, c'est presque fini malheureusement, ça passe super vite. Hein. Moi, je suis bien avec les deux représentants de M-Size. M-Size, pour les auditeurs qui viennent de se brancher sur Chaîne Inter, je le rappelle, comprenez le Centre Marocain pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat Social. Et nous avons avec nous, pour nous en parler, le directeur de développement de M-Size, Eric Asmar, et la chargée de communication, donc Yann Tourissat. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir et vous êtes les bienvenus quand vous voulez, hein, les amis. M-Size fait énormément de choses, et si on devait, pour les auditeurs qui viennent justement de choper Chaîne Inter en cours de route, Eric Asmar, depuis tout à l'heure on parle de M-Size, l'essentiel qu'il fallait retenir, c'est quoi exactement concernant M-Size? Bah, nous on est là pour répondre à tous les défis sociaux du Maroc à travers des solutions innovantes et entrepreneuriales. Et puis si vous, chers auditeurs, vous avez des idées de projets, si vous voulez agir, bah, venez vers nous, impliquez-vous. Vous pouvez visiter dans un premier temps notre site web www.msize.org, connectez-vous sur Facebook, mais en tout cas, agissez. Voilà, donc, et deux, quand même deux programmes qu'il faut rappeler, hein, donc, c'est le fait que M-Size donc, joue le rôle d'incubateur à travers le programme Dare Inc. Donc, justement. Et l'autre donc programme, c'est Temkin Initiative. Hein, donc là, je vais laisser un petit peu Inde nous développer tout ça. Oui, d'accord. Donc franchement, ce qu'il faut retenir, c'est que notre vision, c'est de voir un Maroc qui a des idées innovantes et des jeunes qui prennent l'initiative. Maintenant, on ne peut pas vraiment tout changer dans un délai assez court, mais c'est avec le temps que ça vient. Et notre mission, éventuellement, c'est de trouver des solutions à toutes les problématiques qui existent actuellement au Maroc à travers les jeunes. Donc, il faut vraiment insister parce sur les jeunes. Parce que c'est pour eux, d'ailleurs, qu'il exactement, faut trouver des solutions. Exactement. Donc, on est là pour parce pour que c'est inspirer. La génération de demain. Oui. Donc, on est là pour jouer le rôle d'inspirer, de former, de développer et de rester au cœur de la théorie de changement au Maroc. Tout simplement. Et bien sûr, moi, je vous dis bravo encore une fois. Merci. Et merci. On tâchera bien sûr de rester en contact, donc, et même recevoir des jeunes, ces porteurs oui. d'idées. Pourquoi Inch'Allah. Pas venir les laisser s'exprimer sur chaîne Inter. Okay, okay. C'est leur radio, c'est la radio de tout le monde. En tout cas, Eric Asmar, c'est la première fois qu'on te reçoit, donc quelques petites questions, hein, histoire de mieux te connaître. Oui, passage obligatoire, mais super sympa, crois-moi. et comme je dis tous les après-midi, avant de poser la première question, je sais que c'est difficile de parler de soi, mais je te demande quand même, Eric Asmar, quelle est ta qualité principale? Je dirais, je sais résoudre des problèmes. Mmh. J'ai le sens de l'écoute. J'arrive à m'exprimer assez bien et d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Tout simplement. Eric Asmar, ce n'est pas des problèmes, ce n'est que des solutions. Quel est, en revanche, le défaut principal de Eric Asmar? Comme vous venez de soulever, j'ai du mal à parler de moi. Je déteste parler de moi. Je sais, c'est le cas de tout le monde. Ça, c'est le seul défaut que tu as, Eric Asmar? Je dirais. Personne n'aime parler de lui. Ça, c'est tout à fait normal. Si je devais te poser une question, qu'est-ce qui te rend fier, justement, Eric Asmar? D'avoir l'opportunité de travailler avec des gens qui ont autant d'énergie, qui ont tellement de bonnes idées et tellement de volonté pour les mettre en œuvre. Je suis vraiment fier de tous les jours pouvoir rencontrer ces gens, travailler avec ces gens. Ça, c'est un grand point de fierté pour moi. Quelle est ta plus grande réussite jusqu'à présent, so far? Très franchement, je dirais le lancement de Derink. Quelle est, par contre, ta plus grosse bêtise? Fait des bêtises, lui. Tout le monde fait des bêtises. On m'a dit qu'il faisait des bêtises. Après, la plupart des bêtises, on n'en parle pas à la radio. Je ne veux plus savoir. Je retire la question. Je veux garder mon job. Non. Je dirais la plus grosse bêtise, c'était un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années qui malheureusement a échoué. Et c'est comme ça, il faut faire des erreurs, mon ami. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Et l'erreur, c'est ne pas refaire la même erreur. Justement, c'est failing forward. Exactement, aller de l'avant. Et justement, pour aller de l'avant, si Eric Asmar devait se donner un conseil à lui-même, ça serait quoi? Moi, d'abord. Toi, à toi. Moi, à moi. Conseil de toi, à toi. Je dirais de continuer, de foncer, de prendre le temps de dormir de temps en temps. D'accord, surtout, pense à toi un petit peu, Eric Asmar, ne t'oublie pas, voilà, profite un peu de la vie tout simplement. En tout cas, moi j'applaudis franchement Eric Asmar, merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'avoir répondu à mes questions. Et encore une fois, c'est vrai qu'il a raison, il peut être fier de son programme M-Size. Et moi je vous souhaite bon courage et on croise les doigts pour vous et à très très bientôt Inch'Allah. Et je te dis, Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak, tout simplement, Eric Asmar. Et Intouressat, je te dis à très très bientôt. Merci et voilà, donc bon courage et bienvenue encore une fois au Maroc parce qu'elle était bien sûr en balade pendant un bon bout de temps. Et bon courage avec M-Size et Intouressat. Merci beaucoup, c'est très gentil. Sinon, entre parenthèses, le blog, internet, et tout elle ça. Elle est toujours là. Voilà, il faut rappeler quand même, donc à titre personnel. Voilà, donc. According to Hand, ça c'est ton blog. Oui. Dont tu parles un peu de tout. Oui. De tout et de rien. Non, et surtout de tout. En tout cas, je rappelle bien sûr qu'il y a le retour de l'info dans 5 minutes exactement. Et bien sûr, je rappelle qu'on va parler du baccalauréat parce que ça devait être fini hier, mais ce n'est fini que ce matin à 11h puisque l'épreuve de maths, donc on a dû la repasser. Et on y reviendra tout à l'heure à partir de 17h15 exactement. Du bon son, c'est Madonna qui nous le livre avec Papa Don't Preach. Merci Emmanuel Wardi et merci aux auditeurs.

a lullaby. Don't ask me to explain again. Hello Maroc sur Chaîne Inter avec Hicham. Ramadan sur Chaîne Inter. Un moment sacré pour tisser ensemble une toile de spiritualité et de divertissement. De service et d'actualité, de culture et bien sûr de la bonne musique. Ramadan sur chaîne Inter, de nouvelles émissions brillent sur les ondes de votre chaîne. Santé et protection du consommateur, méditation et débat, paroles d'experts et préoccupations des jeunes, habitudes et mœurs d'ici et d'ailleurs. Ramadan sur chaîne Inter, la pertinence de la parole, la vertu de l'écoute. أيها المؤمنون والمؤمنات المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط الصلاة وما شاورهما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نودي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط الصلاة وما شاورهما تقبل الله صلاة الجميع From the Western Isles to the Tasman Sea, there's a world of man and machinery. But the birds still sing, and the sun shines green. No, I don't need much when I still have these. Well, the rolling stone. A song for me, it's a minor song in a major key, but the stars still shine, the museum's green, no I don't need much, when I still have for the you and me, for the Allez, excellente fin de journée à tous et merci de rester avec nous sur Chaîne Inter et un petit coucou de bienvenue à ceux qui viennent de choper la bonne fréquence. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h et bien sûr, je rappelle que nous avons rendez-vous tout à l'heure avec Sakine Bouachteline pour la chronique de l'environnement à 17h45. Journal du design avec Amina, c'est à 17h30 et je rappelle que nous parlons de la toute dernière épreuve inédite de mathématiques baccalauréat, c'était ce matin. On reviendra bien sûr sur les impressions à chaud juste après l'épreuve donc de la part des étudiants et des parents et aussi les enseignants. Nous allons tout de suite retrouver Fairouz Bentaleb qui s'adresse à vous, qui nous écoutez au volant de votre voiture. Elle nous parle de la ceinture de sécurité qui se doit d'être un bon réflexe. Bonjour à tous, dans la chronique de la prévention routière d'aujourd'hui, nous allons vous parler du réflexe ceinture de sécurité. C'est un réflexe qui pourrait paraître bien ancré, mais il n'en est rien. Beaucoup d'études ont publié et révélé que beaucoup trop de passagers ne mettent pas systématiquement leur ceinture, notamment sur les trajets courts. C'est pourtant sur ce type de trajet que les automobilistes sont les plus vulnérables, car moins vigilants. 3 accidents mortels sur 4 se produisent sur des petits trajets. La ceinture de sécurité est un dispositif permettant de limiter les mouvements incontrôlables des passagers d'un véhicule lors d'un choc. Ainsi, les occupants d'un véhicule en mouvement, brutalement décélérés lors d'un choc, ne sont pas projetés contre des obstacles par l'énergie cinétique qu'ils ont accumulée. La ceinture de sécurité peut sauver la vie de celui qui s'attache, ainsi que celle des autres passagers. Une étude ayant expertisé les dégâts causés par les personnes non attachées a conclu que si un passager n'attache pas sa ceinture, le risque de décès pour les autres au cours d'un accident est plus important. Alors, lors d'un déplacement avec votre véhicule, ayez le réflexe ceinture de sécurité. Dance if you like, you can sing every line of every song. No, you don't have to steal the show. It was your show all along as the orchestra played. People take the seats, there's no room left in this house. It's only you and me, and if life is your stage, I'll be watching. We start rehearsing every scene, the words to everything. We realize that the crowd is listening, and then the tears fall down on your face. And exactly the right place as the people start to stand up in the aisle. Violins on every street tonight. Warren G, rap for me, yeah. places. Dollar signs in your eyes and a smile in your face. You wanna live fat off of my sack. You got more drag than the low-low, though. Cut the act. Cause back before 92 and 93, you didn't give a damn about Warren G. But now that I'm slanging platinum LPs, all of a sudden you want my NUTs. Ain't nothing you can do to make it stop. Cause money makes the world go round. And the panties drop. I ain't in love though, I don't need the pressure. I just wanna dig it like I'm digging for treasure. Some of y'all had a good thing that you couldn't keep. Thought you was TLC, you had to creep. You say you had love, I said you need to quit it. It's all about the dough, so what's love got to do with it? What's love got to do? Got to do with it? That's right. Type of brother that's down for months. Before I made beats, I was down the grind. Back then, every single homie had my back. Now they peeping my stack and they talking about Jack. But I'm the same brother day in and day out. And I'ma stay that way until the day I lay out. In the casket, it's drastic, cause homies is plastic. Break them off some bread, they want the whole damn basket. If you's a true homie, you would wish me well. Not plot to see a brother fail. Jealous as hell, we used to get the same riches. Now your trigger finger got the inches. Scheming on my riches, which is not a surprise. My eyes peep game. 211s, 187s, it's all the same, it's all a shame. Homies, a jacket for your grip. Ain't no love involved because it's all about the chips. What's love got to do? Got to do with it? That's right. Labels, telling fables, making the messed up deals under the tables. You think that you smart, but fool, I'm the smartest. You can't make no money if you can't keep an artist. Sign a dotted line, put them on the shelf. Break them off some crumbs, keep the rest for yourself. I know how it goes, treat an artist like you know. Fly cars, gold, clothes, but no dope. Since it's all business, I'ma handle mine. Keep track of my stack down to the very last dime. Cause in this rap game, it's all about the buck. You bent over for the label and you will get bucked. Like how you run up in a skirt and then you're through. The record label do the same thing to you. 90% business, 10% show. Ain't no love in this game cause it's all about the dough. What's love got to do? Got to do with it? That's right. What's love? Love Got To Do With It, un titre original bien sûr de Tina Turner, mais vous venez d'écouter la version rappée par Warren G. Il est 17h passé de 32 minutes et c'est l'heure de retrouver Amina qui tous les après-midi nous parle de sujets différents dans le journal du design. Et cet après-midi, elle fait bien de faire un focus sur le concept même du design. Voici le JDD. Dans le journal du design d'aujourd'hui, nous nous arrêtons sur l'expression design tout court. Le design, c'est la création d'un projet en vue de la réalisation de la production d'un objet, oui, produit ou service ou espace, ou d'un système qui se situe à la croisée de l'art, de la technique et de la société. Le design est surtout une activité de création à vocation industrielle ou commerciale. Et le but final du design est d'inventer, d'améliorer ou de faciliter l'usage ou le processus d'un élément ayant à interagir avec un produit ou un service matériel ou virtuel. On ne peut pas inventer l'expression ni la définition. Elle est bien marquée dans les grands livres. Dans sa part artistique, le design repose sur un travail des formes qui rappelle celle de la création artistique et qui peut concerner aussi bien des formes spatiales, design d'espace, architecture d'intérieur et autres, et puis aussi des volumes à côté de textiles avec le design de mode et de stylisme, enfin d'infographie ou interactive avec le design d'interaction numérique. Le travail du design sur les formes explique l'importance des considérations esthétiques dans le champ du design et l'art du design est à distinguer des arts décoratifs. L'expression apparue dans les années 1870, comme à l'époque aux Beaux-Arts dans la création d'objets d'art. Le design est lié à l'innovation technique, à la production en série et à l'esthétique contemporaine, au moment où les arts décoratifs relèvent de l'artisanat d'art, c'est-à-dire de techniques traditionnelles à l'esthétique souvent ornementale, figurative et d'une production à l'unité ou en petite série. Dans sa part artistique, il repose aussi sur bien des choses. Au final, à quoi sert le design ? À beaucoup de choses. À orner, à décorer, à influencer, à dégager une image qui ressemble à une société, celle d'aujourd'hui, notre société. Ça c'était les Hall & Oates, tout simplement. Il est 17h passé de 38 minutes et bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui avait lieu bien sûr l'épreuve de mathématiques relative aux examens du baccalauréat, donc pour l'année 2015. Je rappelle qu'après les fuites de l'épreuve de maths ayant entamé la deuxième journée des examens, le ministère de l'Éducation avait décidé de programmer à nouveau cette discipline et c'était ce matin même, vendredi 12 juin, entre 8h et 11h. Et je rappelle que ce sont les candidats des sections sciences expérimentales et sciences technologiques qui étaient concernés. Leïla Azizi, bien sûr, et Houria sont allés choper les impressions à chaud après l'épreuve de ce matin. الحمد لله هذا الامتحان هذا كان سهل من الامتحان اللي من قبل سهل بزاف اللي خدم امتحانات وجد راه غادي يلقى ما يدير اللي ما وجدش ما يلقاش ما يدير سي نورمال الحمد لله كان مزيان داكشي ساهل وفي المتناول ما كان لا صداع في المدرسه لا والو هذا العام ولا والو في المستوى زعما المهم كان قريب لهذاك اللي كان ما صعبش بزاف كاع دوزنا مزيان الصراحه الامتحان كان في المتناول زيرونا شويه في الحراسه وخلاو حتى واحد ينقر له لا الحمد لله ماشي بحال المره اللي فاتت كان صعيب شويه ولكن هذا الحمد لله لا مستوى هذاك زعما كاين كل شيء يقدر يجي فيه مزيان احسن من الامتحان الاخر بزاف في المتناول اللي تي سي فاسيل اللي تاع لا بورتي زعما كل شيء اي واحد كان قاري غادي يعرف يخدمه خدمنا مزيان Et ben voilà, là je pourrais dormir tranquille hein, parce que on se faisait quand même du souci pour eux, mais apparemment donc l'opinion est super positive et heureusement que c'était plus facile. Et je rappelle hein, que c'était les sections sciences expérimentales pardon et sciences technologie qui était concernée par cette deuxième épreuve de mathématiques. Et je rappelle bien sûr qu'il y a aussi les parents qui sont concernés. Les Azizi et Houria, bien sûr, ne les ont pas ratés. Leurs impressions, c'est tout de suite. المهم غير يكونوا ناس عايش مزيانين وديك الشيء الدراري اللي خرجوا كيقول لك راه مزيان وحنا كنتسناو كلها كيتسناو وليدات ويشوفوا شنو كاين هذه شي 5 شهور حنا كنوجدوا ليها داك الشيء اللي بغاتو تبعناها في الافكار ديالها في المزاج ديالها وكل شيء باش كتحفزها عرفتي دازت علينا هاد 4 ايام الله اللي كيعلم بالحاله ديالنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفق جميع هذه الطلبه ان شاء الله يوفقهم ربي سبحانه وتعالى je suis tout à fait vraiment ébahi surpris et content très très content parce que le gouvernement est décidé de refaire cet examen. Je crois que c'est là une décision très courageuse, très rapide. Et ceux qui ont bien travaillé, je crois qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on a entendu chez les étudiants qui sont sortis maintenant, les élèves, le sujet était à la portée et puis c'est une excellente chose. Oui, monsieur, c'était une excellente chose. Et apparemment, donc, tout le monde était content et on est rassuré. Moi, je vais passer un bon week-end. Merci en tout cas. Je rappelle bien sûr hein, que les épreuves ont eu lieu donc les 9, 10, 11 et 12, exceptionnellement juin, et que les résultats seront annoncés le 24 juin prochain. Et je rappelle aussi par la même occasion que les sessions de rattrapage donc, sont prévues les 7, 8 et 9 juillet. Et les résultats, c'est prévu le 18 juillet. En tout cas, on croise les doigts pour tous les candidats. Au baccalauréat, bien sûr, on leur souhaite bon courage et on attend de pied ferme les résultats. Dans quelques instants, c'est Kinebo Echelen avec la chronique de l'environnement. Et en attendant, puisqu'on est super content, on va s'écouter un bon vieux souvenir. Début Lady Gaga, Just Dance. I'm like like you, everybody like Gaga. You don't believe me, ask your baby father. If you ain't dancing, you ain't saying nada. Two left feet can't boogie to beat, but I do it like I was born in the disco. E.O. to Frisco. Yo, everybody dance. Ben voilà, une des premières productions de Redouane. Souvenez-vous, et j'en profite pour le rappeler, Redouane, notre producteur national, c'est lui qui avait révélé Lady Gaga au monde entier avec ce single Just Dance, et qu'on écoute toujours avec le même plaisir sur chaîne Inter. Allez, c'est l'heure de retrouver Sakina Bouachtelin qui parle à ceux qui adorent les vacances. Bien sûr, c'est bientôt les vacances. Et si vous vous sentez particulièrement concerné par l'écologie dans votre quotidien, vous en êtes même devenu partisan peut-être, savez-vous qu'il est également possible d'adopter un comportement éco-citoyen pendant ses vacances. Les hôtels Clé Verte, ça existe au Maroc et Sakina nous en parle dans sa chronique. Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de chaîne Inter. C'est bientôt les vacances de fin d'année scolaire. Des vacances méritées pour vous et vos enfants. Et comme vous avez une conscience environnementale, car vous ne ratez aucune chronique environnement de chaîne Inter, vous pensez dès à présent comment choisir l'hôtel qui respecte l'environnement. Eh bien, nous sommes là pour vous aider et vous éclairer. Savez-vous que les hôtels qui ont placé l'environnement en tête des priorités ont réussi à obtenir la clé du mérite, la clé verte? Mais une clé verte, qu'est-ce que c'est? Une clé verte, c'est au fait un écolabel international considéré comme le premier réseau international d'hébergement touristique écologique respectueux de l'environnement dont les critères, la procédure d'octroi ainsi que les valeurs à véhiculer sont identiques et obligatoires avec tout de même quelques adaptations spécifiques. Une clé verte vise en premier lieu à changer les comportements des acteurs impliqués, tels que les entreprises, les autorités locales, les clients, la communauté locale, en les impliquant davantage et en augmentant leur responsabilité envers la protection de l'environnement. Une clé verte est attribuée à une base volontaire, annuelle, positive et évolutive, à partir de critères considérés obligatoires et optionnels dans les domaines de l'éducation à l'environnement, dans la gestion environnementale générale, dans l'implication et la formation du personnel, dans l'information et la sensibilisation des clients, dans la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, des espaces verts et même dans le choix de la nourriture. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à choisir des établissements hôteliers clés vertes. En quelle année le programme Clé Verte a été lancé au Maroc? Si vous vous posez cette question, voici la réponse. C'est en 2007 que le programme Clé Verte a été implanté par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Le but de ce programme est clair, encourager le développement d'un tourisme responsable en récompensant et soutenant les meilleures initiatives en gestion environnementale dans le secteur de l'hébergement touristique. À ce jour, au Maroc, cet écolabel est attribué sur tout le royaume à 70 hébergements touristiques, 29 hôtels, 25 maisons d'hôtes et 16 établissements tout type confondus, sans oublier bien sûr auberges et gîtes répartis dans différentes régions du royaume. Avec le soutien de l'Office national marocain du tourisme, la progression de la Clé verte connaît un développement cohérent et se reflète par l'adhésion d'établissements de haut standing et de renommée internationale, soucieux de leur image environnementale. Heureusement que les consciences se réveillent. Et pour décider tous les autres établissements hôteliers à faire de même, sachez qu'en respectant l'environnement, les factures notamment en eau et électricité sont réduites pratiquement de moitié, si ce n'est pas plus. Avec les vertes, en est gagnant du début à la fin. Merci de considérer au quotidien, et même quand vous êtes en vacances, la protection de l'environnement, une priorité. Et très bon week-end à l'écoute de Chaîne Inter. Toujours avec vous, je please. voix de l'immortel, la voix de l'indémodable, de la légende, bien sûr, qui sera parmi nous. Ça, c'était MJ, Michael Jackson, pour finir en beauté, bien sûr, cette émission et surtout cette semaine. On se donne rendez-vous lundi, bien sûr, avec d'autres invités et avec, bien sûr, d'autres rubriques. On rappelle, bien sûr, que juste après le point sur l'actualité de 18h, il y a Tifa qui prend le relais avec le Café Culture et c'est jusqu'à 20h. Et le direct, bien sûr, se poursuit jusqu'à 23h sur chaîne Inter avec Faïlos Bentaleb et la Libre Antenne. Et elle vous tient compagnie entre 20 et 23h. Et bien sûr, nous, on se donne rendez-vous lundi. Je vous souhaite de passer un bon week-end sans oublier, bien sûr, de remercier Leila Azizi à la réalisation. Et n'oublions pas, bien sûr, Huri Alarizi, notre stagiaire et aussi le gardien de la console, le maître du son, Mister Mounir Alwardi. Et en même temps, bien sûr, hein, donc je rappelle que vous avez rendez-vous, bien sûr, avec le point sur l'actualité de 18h dans 6 minutes exactement. Et on finit avec une très belle reprise par le casting de la fameuse série Glee. Vous le savez, bien sûr, leur spécialité, c'est de reprendre tous les tubes du moment et bien sûr les vieux tubes aussi. The Boy Is Mine, le voici pour finir en beauté. Prenez soin de vous, restez branchés chez l'Inter, passez un bon week-end et ciao ciao. Branchés mais pas branchés. Allez, salut à tous. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure. You know, you look kind of familiar. Yeah, you do too, but I just wanted to know, do you know somebody named... You know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. I just wanted to let you know he's mine. No, he's mine. You need to give it up. Had a fair enough. It's not hard to see. Oh, yes, my love.

l'occasion de la fête de la musique, l'Orchestre Symphonique Royal organise un concert de jazz exceptionnel. Au programme, un répertoire varié avec des œuvres des meilleurs morceaux de jazz, d'auteurs et d'arrangeurs très connus. Soyez tous au rendez-vous à 21h, le 12 juin à Casablanca, le 13 à Bab el Makina à Fès et le 15 à Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Chaîne Inter. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Chaîne Inter. Vous écoutez le Café Culturel à 18h04, le Café Culturel en votre compagnie ce soir jusqu'à 19h30. Alors notre agenda, c'est la première rubrique qu'on vous propose, eh bien il suit de près cet événement qui anime aujourd'hui les murs de la capitale, Jidar, toile de rue. La première manifestation du genre à Rabat, aujourd'hui on parle de l'œuvre No Signal 2 avec l'artiste Rebel Spirit à 18h15. Ensuite, Des mots et des mots nous explique les origines de la langue française et plus spécialement les mots arabes qui la composent. Ce soir, le récif qui vient de Racif. Ensuite, on détaille pour vous cet événement qui ne vous laissera pas fermer l'œil jusqu'au petit jour, la nuit blanche du cinéma et droits de l'homme. Pour cette 4e édition, le thème c'est la migration, tout sur ce rendez-vous qui aura lieu à la fin du mois de juin en compagnie de la présidente de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme, Fatem Zahra Bedi, c'est à 18h30. Le divan vous invite ce soir chez le bouquiniste Adib El Mchrafi a choisi pour vous un recueil de poésie de Paul Verlaine, Sagesse et plus particulièrement un poème, Le ciel est par-dessus le toit. Adib que l'on retrouve dans la deuxième partie du Café Culturel avec Lire Plus, il nous propose d'écouter Alexis Génie et surtout son point de vue sur les rapports de nos sens au sacré. Courant d'art ce soir, c'est l'auteur, poète et artiste Rachid Khalas qui nous parle de l'œuvre d'Amina Rizqi. Et notre conte du vendredi nous emmène, chers auditeurs, au Burundi aujourd'hui, dans la dernière partie de notre rendez-vous, pour vous dire l'histoire de Boako et de ses yeux étincelants. N'oubliez pas que le Café Culturel, c'est votre émission. N'hésitez pas à nous contacter, c'est au 05 37 20 44 73. On se retrouve dans un instant, juste après avoir écouté Irma. Merci d'être à l'écoute de Chaîne Inter et du Café Culturel. Il est 18h10. Nos brèves vous emmènent aujourd'hui à Marrakech avec l'artiste peintre française Edith Tayoni et elle expose actuellement ses toutes récentes œuvres. Il s'agit d'une série de toiles, des sculptures aussi, qui vont varier entre plusieurs mouvements artistiques, entre le figuratif et l'abstrait. Alors Edith Tayoni, c'est cette artiste qui est installée depuis 10 ans dans la ville Ocre et c'est dans toutes ses œuvres qu'elle expose, eh bien elle vous invite à voir tout son parcours, un parcours original et on peut dire haut en couleur. Et elle va donc élaborer une espèce de jeu de va-et-vient entre le figuratif et l'abstrait, un jeu c'est une façon ludique qu'elle a de présenter ses œuvres avec des sculptures qui sont traitées comme des dentelles et puis des tableaux qui vont mélanger le collage de papier précieux, l'acrylique et c'est une façon pour l'artiste également de brouiller les pistes, de déambuler entre des registres très variés. 18h11 sur Chaîne Inter, notre prochain stop, c'est pour parler de street art et ça sera à Rabat cette fois. C'est juste après avoir écouté Seal, Let's Stay Together. I'm so alright with me. You make me feel so brand new, and I wanna spend my whole life with you. Let me say it, since we've been together, loving you forever is what I need. Oh, let me be the one you come running to, 'cause I